Le Grand Prix d'Imola a eu lieu dimanche dernier, et si vous ne vous êtes pas endormi avant la fin, vous avez vu Max Verstappen l'emporter devant Sergio Perez et Lando Norris. Une super performance de Red Bull qui a inscrit, à un point près, presque le meilleur total de points possible sur un week-end. Un résultat qui contraste avec celui de Ferrari, qui a perdu Sainz dès le premier tour, tandis que Leclerc ne termine que 6ème. Cette 6ème place de Charles Leclerc s'explique de différentes façons. D'abord, une monoplace moins compétitive que Red Bull ce week-end, un mauvais départ, et surtout, une erreur de sa part en fin de course. C'était un mauvais week-end pour lui, mais ça arrive, et après tout, la saison est longue. Surtout, il reste aujourd'hui largement en tête du championnat, position dans laquelle il se retrouve pour la première fois de sa carrière. Alors j'avais envie de vous parler des performances de Ferrari cette semaine, mais j'ai trouvé plus pertinent de mettre en lumière ce pilote qui était incontestablement au centre de l'attention ce week-end. Depuis son arrivée en F1, Leclerc est promis à un destin glorieux, et cette saison, il se retrouve enfin dans une position de challenger pour le titre, dans un duel annoncé avec Max Verstappen. Bien sûr, s'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions et limiter la lutte pour le titre à ces deux pilotes, une chose est certaine, Leclerc aura son mot à dire. Mais cette erreur commise en fin de course à Imola a fait pleuvoir un certain nombre de critiques quant à ses capacités à gérer la pression et à se battre pour un titre de champion du monde. Il serait, selon certains observateurs, moins fort mentalement qu'un Lewis Hamilton ou un Max Verstappen. Et pour cette raison, je pense qu'il est intéressant de faire un retour en arrière sur le parcours de Charles Leclerc. J'ai l'impression que beaucoup ont tendance à oublier qui il est, son parcours avant la Formule 1 et comment il s'est retrouvé dans la position d'un candidat pour le titre de champion du monde. Alors on va procéder méthodiquement en évoquant d'abord l'enfance de Charles Leclerc, son parcours dans les catégories juniors jusqu'à la Formule 1, et enfin, nous tenterons de répondre à la question suivante. A-t-il les épaules pour devenir, cette saison ou non, champion du monde de Formule 1 ? Et comme d'habitude, si vous validez ce genre de vidéo, je vous invite à vous abonner, c'est la meilleure façon de soutenir le développement de la chaîne. Sans plus attendre, l'histoire de Charles Leclerc commence maintenant. Charles Marc Hervé Perceval Leclerc, oui c'est son vrai nom, est né le 16 octobre 1997 à Monaco. Sa famille est installée dans la principauté depuis quelques générations, et le petit Charles passe son enfance entre son appartement monégasque et les pistes de karting françaises. Son père, Hervé, est un ancien pilote automobile qui a disputé 22 courses de Formule 3 entre 1983 et 1988. Charles et son père fréquentent régulièrement les pistes du circuit de Brignoles, une magnifique commune du Var. Ce circuit situé à 1h30 de Monaco est géré par Philippe Bianchi, père de Jules Bianchi et grand ami de la famille Leclerc. Philippe et Jules Bianchi ont eu un impact colossal sur la carrière de Charles Leclerc, nous aurons l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Charles se lie d'amitié avec Jules, de 8 ans son aîné, et déjà considéré comme l'un des jeunes pilotes français les plus talentueux. Jules prend le petit Charles sous son aile et ne tarde pas à comprendre une chose. Il est doué, très doué. Son père l'inscrit à un certain nombre de compétitions de karting en France, qu'il remporte quasiment toutes. Il s'inscrit d'abord en mini-kart et gagne le championnat PACA en 2005, avec notamment 15 victoires en 18 courses. L'année suivante, il réédite cette performance en remportant le championnat à nouveau. Ses résultats lui permettent de participer à des compétitions de karting en minime, avec beaucoup de trophées à la clé. Il est vice-champion de la Ligue PACAC deux fois, en 2007 et en 2008, avant de remporter le championnat de France cadet en 2009, à 12 ans. Et c'est à 12 ans justement que la carrière de Charles Leclerc aurait pu prendre une toute autre tournure. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'une carrière dans le sport auto, ça coûte très cher. Et Charles et son père se retrouvent dans une situation compliquée en 2009. Pour continuer à courir dans les catégories juniors les plus prestigieuses, une chose est claire, ils ont besoin d'un sponsor. Malgré tous ses succès en karting, Charles n'attire pas l'œil des investisseurs. Mais c'est alors que Jules Bianchi et sa famille interviennent. La carrière de Jules est prise en charge par All Road Management, société de Nicolas Todt, le fils de Jean. Il lui fait part du profil de Charles, qui a besoin d'environ 250 000 euros pour pouvoir continuer sa carrière. C'est quand même une sacrée somme, mais Nicolas Todt a confiance en Jules Bianchi et décide de miser sur le jeune monégasque. Grand bien lui en a pris. Parce que l'investissement a rapidement porté ses fruits. Charles remporte le championnat du monde KF3 en 2011. C'est ce titre qui a assurément lancé sa carrière sur la scène internationale. Il est repéré par ART Grand Prix en 2012, la structure de Fred Vasseur. Sous ses nouvelles couleurs, il remporte la WSK Euro Series dans la catégorie KF2. Et il intègre en 2013 le championnat du monde KZ, la compétition internationale de karting la plus prestigieuse. Pour sa dernière année en karting, il ne termine que deuxième. Un autre pilote du même âge que lui remporte le championnat, Max Verstappen. Une rivalité qui dure depuis quelques années et qui continue encore aujourd'hui. Bon, le karting c'est bien, mais à 16 ans, est-ce qu'il serait pas temps pour Charles de prouver ce qu'il vaut dans une monoplace? Il s'inscrit au championnat de Formula Renault 2.0 en 2014, où il termine vice-champion derrière Nick De Vries, ce qui est une performance vraiment bonne pour une première année en monoplace. Ses débuts impressionnants lui ouvrent les portes de la Formule 3 européenne, où il roule face à des visages bien connus aujourd'hui comme Alex Albon, George Russell, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi ou encore l'excellent Mahavir Raghunathan. Il termine 4ème du championnat, ce qui est très fort, et passe logiquement en GP3 la saison suivante. C'est aussi cette année-là que Jules Bianchi décède des suites de ses blessures survenues lors du Grand Prix du Japon en 2014. C'est un vrai tournant dans la carrière du Monégasque, et une blessure profonde dont il ne se remettra sans doute jamais. À partir de là, la carrière de Charles Leclerc prend une autre tournure. Bianchi et Nicolas Todd possèdent des liens forts avec Ferrari, et ont fait le forcing depuis quelques années pour convaincre la Scuderia de prendre Leclerc dans son programme junior. Vu ses résultats, Ferrari n'hésite pas une seconde, et le nomme pilote de développement à la fois pour eux, mais aussi pour Haas. En parallèle, il roule en GP3 chez ART, et là clairement, Charles n'est pas là pour enfiler des perles. Il domine le GP3 avec 3 victoires et 8 podiums, et il devient champion dès sa première saison. En parallèle, il roule déjà en Formule 1 en participant à des séances d'essais libres pour Haas à plusieurs reprises. Jugé inexpérimenté pour rejoindre la F1 en 2017, Leclerc fait ses débuts en Formule 2 et là, il explose tout. 8 pole positions, 7 victoires, 10 podiums. Pardonnez-moi l'expression, mais là franchement il met une grosse fessée à tout le reste du plateau, même si la concurrence était franchement pas ouf par rapport à 2018 par exemple. S'il faut retenir un moment fort de cette saison, c'est sans aucun doute sa victoire en Azerbaïdjan, où il rend hommage à son père décédé quelques jours plus tôt. Charles Leclerc est champion de Formule 2, et les écuries de F1 ne peuvent plus l'ignorer. Tout au long de la saison 2017, il participe à des séances d'essais libres avec Sauber, et l'écurie suisse ne tarde pas à se rendre compte du joyau qu'elle a entre les mains. Le Monégasque est donc officialisé comme pilote titulaire chez Sauber en 2018, à la place de Pascal Wehrlein. Une ascension express et totalement méritée pour Leclerc au vu de son palmarès en catégorie junior. C'est le début de sa grande aventure en Formule 1. Pour commencer cette nouvelle partie de cette vidéo, j'ai d'abord envie de faire un bilan des saisons de Charles Leclerc en F1, histoire de comprendre vraiment comment il a réussi à devenir leader de la Scuderia Ferrari à seulement 24 ans. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur les capacités de Leclerc à gagner un championnat du monde. Notre ami découvre la F1 en 2018 comme coéquipier de Marcus Ericsson, et le moins que l'on puisse dire, c'est que son adaptation était plutôt rapide. Si ses premières courses ont été assez discrètes, le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2018 marque un tournant dans sa carrière. Il termine 6ème de la course, son meilleur résultat cette année-là, et connaît ensuite une succession de résultats très encourageants. Pour rappel, Sauber à l'époque, c'était quasiment la pire écurie du plateau. Ils ont terminé 10ème du championnat en 2017, et donc voir Leclerc marquer autant de points était presque un exploit. Il passe en Q3 en France, termine 9ème en Autriche et à Singapour, 7ème en Russie, et enchaîne 3 7ème places sur les 3 derniers Grands Prix de l'année. Il se classe finalement 13ème du championnat avec 39 points, soit 30 de plus que son coéquipier, pourtant beaucoup plus expérimenté. Ok, c'était Ericsson, c'était pas Verstappen, mais quand même, il lui mettait parfois 7 dixièmes en qualif alors qu'il était rookie. Ses performances lui ont permis de postuler un siège chez Ferrari pour la saison 2019. Et moi, ce que je trouve le plus impressionnant dans sa première saison de F1, c'est pas forcément le fait qu'il ait marqué beaucoup de points, etc. Non, c'est le fait qu'il ait obligé Ferrari de recruter un pilote aussi jeune pour la première fois depuis 1961. Toujours est-il qu'il rejoint la Scuderia en 2019 et qu'il fait face à Sebastian Vettel, présent dans l'écurie depuis 2015 et quadruple champion du monde, je rappelle. Au début de la saison, Ferrari assurait que Leclerc serait pilote numéro 2. Je pense que Ferrari a commis une grande erreur et qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si fort. Dès sa deuxième course à Bahreïn, il aurait dû gagner, et sincèrement, ça c'est incroyable. Toute cette saison a été marquée de tensions très fortes avec son coéquipier, et je pense que c'est lié à l'amélioration continue de Leclerc au cours de la saison. Pour preuve, il a battu Vettel 9 fois d'affilée en qualification, et s'est petit à petit rapproché de son niveau de performance. Et ce, jusqu'à remporter son premier Grand Prix, à Spa. Une victoire bien sûr amère pour lui, compte tenu des circonstances du week-end et de la perte de son ami Antoine Hubert. Les circonstances de sa deuxième victoire étaient cependant beaucoup plus joyeuses, puisqu'il remporta le Grand Prix de Monza devant une foule acquise à la cause de Ferrari. Il a terminé à la 4ème place du championnat avec 10 podiums et 7 pole positions, et a clairement mis Sébastien Vettel dans une position inconfortable. Mais pour moi, et ça va peut-être vous surprendre, c'est surtout en 2020 que son ascension a pris un autre tournant. Ferrari avait une voiture en dessous de tout, et Leclerc a complètement dominé Vettel du début à la fin de la saison. Je pense qu'avant le début de la saison, Ferrari avait déjà choisi de mettre Leclerc sur un piédestal, en annonçant ne pas renouveler le contrat de Vettel. Quoi qu'il en soit, les performances de Leclerc en 2020 méritent d'être mises en lumière. Il s'est invité sur le podium à 2 reprises, ce qui paraît assez maigre quand on pilote une Ferrari, mais quand on voit la charrette qu'ils avaient, franchement c'est plutôt pas mal. Surtout, il a terminé la saison avec presque le triple de points que Vettel, ça fait mal. Et même si la saison 2020 a été horrible pour Ferrari, je pense qu'elle a constitué une vraie année de confirmation pour Leclerc, qui a prouvé que le nouveau patron de Ferrari, c'était bien lui. En 2021, Carlos Sainz est arrivé et a terminé devant lui au classement. Sans remettre en cause les performances extraordinaires de Carlos l'année dernière, je pense que Charles aurait dû terminer devant lui. Il l'a battu en qualif 13 à 9 et en course 14 à 6. Il a été malchanceux sur beaucoup de grands prix et a aussi commis quelques erreurs, comme lors de son tour de qualification à Monaco. Sa saison 2021 est peut-être, à mon sens, sa pire depuis qu'il est arrivé en Formule 1. Mais elle reste à un excellent niveau. En terminant 5e et 7e du championnat, lui et Sainz ont largement contribué à remettre Ferrari sur le devant de la scène. Et depuis le début de la saison, Charles Leclerc impressionne. Deux victoires, deux pole positions, trois podiums en 4 courses, leader du championnat avec 27 points d'avance au moment où j'enregistre, est-ce que ça ne serait pas des stades d'un champion du monde en devenir ? Après avoir analysé l'ensemble de ses résultats en catégorie junior et en Formule 1, la question se pose. Est-il capable de remporter un titre de champion du monde ? Pour moi, la réponse est évidente. Oui, largement. Mais de ce que je peux lire à droite à gauche, dans des médias, ou alors sur mes réseaux par exemple, il semblerait que ce ne soit pas aussi clair pour certains. Beaucoup reprochent à Leclerc un manque de performance dans les moments importants. On peut prendre l'exemple de Monaco l'année dernière, ou encore son tour de qualif en Azerbaïdjan en 2019, voire son erreur à Imola ce week-end, où il pousse un petit peu trop. En bref, Leclerc ne serait pas assez fort mentalement pour lutter pour un championnat du monde, au contraire de Max Verstappen par exemple. Alors je pense que pour déterminer si Leclerc est suffisamment fort pour gagner le titre pilote, on peut diviser notre analyse en trois parties. Ses compétences, sa monoplace et sa force mentale. Ses compétences sont à n'en pas douter parmi les meilleures du plateau. Leclerc, c'est un top pilote, un vrai crack. S'il a été choisi pour mener le projet de Ferrari, ça veut tout dire. Il a absolument tout gagné en jeune, et même quand Ferrari était au plus bas, il continuait à les porter. Pour ce qui est de la monoplace, cette saison son équipe devrait se battre pour le titre avec Red Bull. Il faut voir qui gagnera la course au développement entre eux et Red Bull, mais je pense que la monoplace et le staff de Ferrari sont suffisamment solides pour lutter pour le titre sur l'ensemble de la saison. Enfin, l'aspect mental est probablement ce qui est le plus remis en question chez Charles Leclerc. Et effectivement, c'est un habitué des coups de colère lorsqu'il commet une erreur, et il est très exigeant avec lui-même. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec les observateurs qui estiment qu'il n'est pas assez costaud mentalement pour battre Max Verstappen. Tout ça, ça se joue sur la piste avant tout. Et de ce que j'ai pu voir des batailles entre les deux pour le moment, je n'ai pas la sensation qu'il se fasse écraser psychologiquement ou quoi que ce soit. En revanche, je pense qu'il doit parfois améliorer son comportement lorsqu'une erreur arrive. S'il a la voiture pour gagner, alors je suis convaincu qu'il peut le faire. Il l'a toujours prouvé par le passé, et j'ai du mal à croire qu'il puisse craquer. En conclusion, je pense qu'en prenant en compte l'ensemble de la carrière de Leclerc et ses capacités en piste, il est pour moi un candidat naturel au titre de champion du monde, au même titre que Max Verstappen. Alors j'ai hâte de voir qui remportera cette bataille. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à partager ça autour de vous, et à commenter, liker, partager, et bien sûr à vous abonner. Moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux contenus. Salut, à la prochaine.